Francisco Douiman. Bonjour ou bonsoir à vous tous. Bienvenue à ce journal. Merci d'être avec nous, vous qui nous suivez sur nos ondes FM, sur notre site internet ou sur Facebook. C'est l'heure du journal parlé en français. Nous sommes le 5 avril 2019. Voici la grande édition de la mi-journée. Un seul grand titre pour cette édition spéciale consacrée à la situation des infrastructures menacées d'écroulement si elles ne sont pas déjà à terre. Essentiellement à Bujumbura comme dans certains endroits à l'intérieur du pays. Et tout cela à cause des ravins qui se creusent et s'agrandissent sous l'œil impuissant des riverains. D'abord, nous plantons nos décors, très pathétiques comme vous l'entendrez dans nos reportages. Ensuite, des experts donneront des éclairages. Comment et pourquoi en est-on arrivé là? Enfin, l'autorité publique nous dira que faire face à ce spectacle désolant. Ce journal est mis en onde par François Akiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour ou rebonsoir. Les habitants du quartier Guission en zone urbaine de Kanyosha au sud de la capitale économique Bujumbura affirment qu'ils passent quelquefois des nuits à la Belle Étoile, de peur d'être emportés par un ravin qui s'agrandit sur le prolongement de la 5e avenue. Ils disent ne pas comprendre pourquoi rien n'est fait jusqu'à présent, alors qu'ils ne cessent d'alerter les autorités. Reportage Évariste Nzikobanyang. Ce ravin qui s'agrandit du jour au jour se trouve sur le prolongement de la 5e avenue en bas du bureau de la zone Kanyosha et le lycée de la convivialité. Les habitants d'Ogissio, aux environs de ce ravin, indiquent qu'ils ont lancé appel à plusieurs reprises sur les ondes des radios, mais en vain. Nous nous sommes déjà exprimés 3 fois à propos de ce ravin. Nous sommes vraiment fatigués. Nous avons lancé des cris d'alarme. Vous le voyez vous-même. Même qu'au début, on a construit, mais ça n'a pas tenu. 2 maisons sont déjà emportées. Je ne sais pas si les hautes autorités sont au courant, mais à ce que je sache, et que celles à la base sont au courant, le chef de zone y compris. Si une telle situation continue ainsi, l'on ne sait pas à quel sens se vouer. Les eaux de pluie vont nous emporter. Pire encore, c'est quand il pleut pendant la nuit, les familles se réveillent pour que ce ravin n'emporte leurs vies humaines. Quand il pleut pendant la nuit, nous sommes obligés de quitter les maisons. La terre tremble ainsi que nos maisons. Nous rentrons dans nos maisons après la cessation des pluies. Quand il pleut, les eaux débordent de cette canalisation que vous voyez, d'où ce ravin s'agrandit du jour le jour. Ce ne sont pas seulement les ménages qui sont sous menace d'éboulement de terre. Les infrastructures publiques de la place risquent de disparaître si rien n'est fait dans l'immédiat. Le lycée privé dénommé Étoile des Grands Lacs est parmi celles qui sont en danger. Son représentant légal, Samuel Selemani, lance un cri d'alarme. Nous avons écrit des lettres. Nous avons vu des journalistes passer ici. Nous avons vu la société CIP qui est aussi engagée pour la viabilisation de ce quartier. Ils connaissent très bien la situation. Ce qui nous dépasse, presque rien n'est fait. Nous demandons à ce que l'État puisse vraiment s'engager et montrer vraiment la détermination en fait de pouvoir commencer directement les constructions de travaux qui vont faire ce que ce ravin puisse disparaître. Puisque c'est un danger vraiment public, c'est un danger pour notre école. Ravin qui a déjà coupé la 5e avenue menace également le lycée de la convivialité sous convention catholique ainsi que le cimetière de Kanyosha. Merci Évariste, on reste dans le sud du pays, de la capitale Bujumbura. Une partie du lycée technique Moura, une église ainsi qu'une maison se sont déjà écroulées des suites d'un ravin se trouvant dans la localité appelée Tchétchénie. C'est dans le quartier Kinanira en commune Moura. Ce ravin s'est agrandi sous les yeux des habitants de la localité à cause des eaux de pluie. Ils reconnaissent que leurs initiatives restent sans effet et réclament une intervention rapide avec des moyens forts. Le constat de Vestine Boutoui. Ces voix sont celles des personnes étonnées par le ravin qui s'agrandit à chaque heure qui se passe. Ce ravin, se trouvant dans la localité de Tchétchénie, a une profondeur de plus de 20 mètres et une largeur de plus de 10 mètres. Entre la route goudronnée menant vers le marché Moussaga et son ravin, il y a une distance de moins d'un mètre. Au bord du dit ravin se trouvent des personnes qui sont en train de faire des gabions en vue de réduire l'allure de celui-ci. Un de ces riverains de cet endroit dit que les eaux de la pluie en provenance du caniveau creusé par le camp militaire de base armée à Moura pourraient être la cause de l'aggravation de ce ravin. Ce caniveau traversant ce quartier avait été creusé par les militaires du camp base de Moura. Actuellement, les eaux de la pluie inondent ce caniveau avant de se déverser dans la rivière Kanyosha, d'où cette transformation de ce caniveau à ravin. Des salles de classe et du lycée technique de Moura, l'église et du réveil des nations, ainsi qu'une maison, se sont déjà écroulées, ajouta-t-il. À cause de ce ravin, plusieurs maisons occupaient l'espace se trouvant entre la rivière Kanyosha et cette église et le réveil des nations ont été détruites, y compris même la dite église. À part ces infrastructures déjà endommagées, cet habitant de Tchétchénie fait savoir que même la route goudronnée traversant cette localité risque d'être attaquée si rien ne se fait dans les meilleurs délais. Bientôt, cette route va être touchée et une fois qu'il se serait écroulé, il n'y aura plus de circulation à ce niveau. Cependant, il déplore que même les initiatives faites par les riverains de cet endroit restent sans effet sans l'intervention du gouvernement. Ces habitants demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide dans les plus brefs délais afin de prévenir les autres dégâts, y compris les pertes de vies humaines qui pourraient surgir. Vestine et Boutoye, au quartier Gikongo-Rira, en commune urbaine de Nahangwa, plus de 10 maisons se sont déjà effondrées et cela fait suite à une grande fissure et qui ne cesse de s'agrandir, qui est apparue dans cette localité. C'est près de la rivière Nyanzari, au Baniyongur. Certains des propriétaires des maisons qui se sont effondrées sont aujourd'hui sans abri. Pour certains, leurs objets usuels, comme les ustensiles de cuisine, les habits, les cahiers et autres, sont toujours sous les décombres. Une maman de 10 enfants a témoigné à Radio Isanganiro qu'elle et sa famille habitaient leur maison de 6 chambres depuis 2005. Outre cette maison principale, cette famille avait aussi une autre maison en annexe de 2 chambres qui s'est aussi écroulée. Un septagénaire rencontré sur les lieux dit qu'il habitait dans ce quartier il y a une quinzaine d'années. Au moment où il s'y est installé, il témoigne que cette fissure n'apparaissait pas encore. Quand nous sommes venus nous installer ici, il n'y avait pas cette fissure. C'était un terrain convenable pour les constructions. Il y a à peu près un mois que cette fissure a commencé à s'agrandir. Les habitants de cette partie du quartier Gikongo disent que cette fissure ne cesse de s'agrandir. Le chef de ce quartier confirme ces informations. Les victimes de ce glissement de terrain demandent de l'assistance. Merci Aubin Nyonguru. Dans le quartier Winherekwa de la zone Gihosha, les gens dont les maisons ont été démolies suite à une fissure du sol disent qu'ils mènent une vie de misère. Certains qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro avancent qu'ils sont obligés de vivre dans des parcelles vides, faute de moyens pour louer des maisons. Ils lancent un cri d'alarme aux autorités de leur venir en aide. Reportage Ornella Mucho. Arrivé sur les lieux, le constat est que les sables et les briques constituent les décombres des maisons détruites. Certaines victimes de cette démolition, d'un air désespéré, essaient de rapiécer des restes de tôles pour chercher où se réfugier quand il pleut. Comme l'indique Marie-Claire Kandiga, elle souligne que lors d'une forte pluie, elle demande abri chez les voisins. Nous essayons de rapiécer les restes des tôles pour chercher une petite place de refuge contre la pluie. La raison qui nous pousse à continuer de vivre ici est que nous n'avons plus les moyens pour louer les maisons. C'est dommage que nous avions des maisons en étage. Nous nous retrouvons dans ces conditions. Nous n'avons même plus les ustensiles de cuisine. Nous mangeons difficilement. Une autre victime, la cinquantaine, se résigne à rester dans sa maison démolie et n'échappe pas à la pluie, comme le précise. On dormait dans nos belles maisons, mais toi-même tu vois que nous dormons sous les nappes dans ces maisons détruites. Regarde derrière toi, il n'y a que des nappes et la situation est la même lorsqu'il y pleut. Nous n'avons pas de choix, nous devons être immobiles. Ces victimes lancent un cri d'alarme aux autorités pour qu'elles retrouvent des abris dans les meilleurs délais. Nous sommes vraiment fatigués et les tensions ont monté. Quand on nous donne une aide, vous voyez que nous sommes des sans-abri avec les enfants. Les autorités vont faire ce qui est meilleur. S'ils considèrent que nous devons rester ici ou nous délocaliser, je ne sais pas. Plusieurs gens avaient contacté des crédits à la banque, mais maintenant, ce n'est plus possible. Nous implorons qu'il vienne ici pour analyser le problème majeur de cette fissuration du sol afin de nous donner des aides parce que nous menons une vie de misère. Au moins 7 maisons sur 10 sont déjà démolies dans le quartier Ouinerekwa de la zone Guihosha et plusieurs d'autres qui ne sont pas encore touchées ont déjà des fissures. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nous plantons toujours ce décor désolant à l'intérieur du pays. Les habitants du quartier Mugomere de la ville de Rumonge se disent inquiétés par des ravins qui menacent leur maison. Ils demandent à l'administration d'agir avant qu'il ne soit tard. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, dit que l'aménagement de ces ravins figure parmi les travaux connexes de la réhabilitation de la route Bujumbura-Rumonge. C'est un reportage de notre correspondant Jean-Pierre Misago. Il s'agit là des inquiétudes de Fidélité Hatungimana, une habitante du quartier Mugomere menacée par le ravinement qui prend de l'ampleur. Cette femme dit craindre de se retrouver un matin emportée dans ces ravins qui s'élargissent après chaque pluie. De son côté, André Manirakiza, habitant à près de 2 mètres d'un ravin, a peur de glisser dedans avec toute sa famille et demande au gouvernement burundais d'intervenir avant qu'il ne soit tard. Mathias Manirakiza, chef de secteur Mugomere, dit avoir informé l'autorité communale et demande lui aussi une intervention rapide et avec de gros moyens car selon lui, à l'état actuel des faits, le travail manuel ne peut rien sauver. Célestin Nitanga, administrateur communal de Rumonge, dit que la Banque africaine pour le développement a inscrit l'aménagement de ces ravins dans les travaux connexes lors de la prochaine réhabilitation de la route nationale numéro 3 reliant Rumonge à Bujumbura. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et au nord du pays, des résidents proches d'un ravin d'une vingtaine de mètres de profondeur ne comptent pas déménager tel que recommandé par l'administration. Là, nous sommes à Muyinga. Ils réclament plutôt l'aménagement de ce ravin qui s'agrandit au jour le jour et menace aussi la route nationale numéro 6. Les détails avec Dieudonné Nzeyiman. Cette résidente du quartier Gakashi en ville de Muyinga vit près d'un ravin d'une vingtaine de mètres de profondeur. Une partie de la maison s'est déjà effondrée. Elle reste ici dans l'espoir de la protection divine. Les signale que la peur de se retrouver un jour sous les décombres est quasi permanente. Trois maisons sont déjà détruites, mais on n'a pas le choix, on n'a pas de moyen de déménager. Il y a plus de 2 mois, le gouverneur de la province Muyinga a recommandé à l'administration communale d'identifier un site de réinstallation de 8 ménages proches du ravin de Gakashi. Les concernés, au lieu de déménager, s'attendent plutôt impatiemment à l'aménagement du ravin par l'État afin de protéger habitations et routes nationales RN6 aussi menacées par le ravin. Le ravinement continue dans différents quartiers de la ville de Muyinga. Les eaux se déversant dans les riz sans caniveau continuent à causer les dégâts. Jusqu'à l'heure actuelle, l'autorité locale n'a pas de solution claire par rapport à cette menace, occasionnant aussi des dégâts sur les collines en aval de la ville où champs cultivables sont aussi inondés. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Malgré cette situation dramatique décrite ailleurs, les berges de la rivière Nahangwa du côté de l'église Pentecôte et de l'école primaire qui lui est proche, en zone urbaine de Nyakabiga, sont en train d'être réhabilités depuis novembre dernier. Les riverains sont satisfaits de ces travaux, mais demandent au gouvernement de réhabiliter les rives de cette rivière sur les flancs de Kigobe Sud Extension et Mutanga Sud. Mireille Kanyang. Certains des engins de chantier dans la vallée de la Nahangwa et d'autres près de l'église Pentecôte et l'école EPJP en zone Nyakabiga, les travaux de stabilisation des berges de la rivière Nahangwa continuent. Des travaux qui ont débuté en novembre dernier sur une distance de 300 mètres alors que les deux infrastructures étaient au bord du ravin. Des habitants trouvés sur place apprécient positivement ces travaux. Ces travaux sont importants car ça protège les écoles où nos enfants étudient. C'est vraiment satisfaisant. À quelques mètres de là, certaines des habitations se sont déjà écroulées. C'est notamment sur la rue Mukarakara, du côté de Kigobe Sud Extension. Ces habitants demandent que soient protégées les rives de cette rivière du côté de Kigobe et de Mutanga Sud. Vous voyez, sur l'autre côté à Kigobe, le ravin approche les maisons, pourtant construites par des millions et des milliards. Cet endroit a également besoin d'être réhabilité. Il est urgent que ces maisons soient protégées. Vous voyez que les autres ont aussi besoin de ces travaux, en commençant par ceux de Kigobe. On remonte à Mutanga Sud, il y a des écoles menacées d'écroulement. Nous demandons l'aide urgente du gouvernement. Ces travaux d'urgence sont exécutés par le groupe ASEK pour une durée de 3 mois et prennent fin bientôt selon des informations recueillies sur place. Isanganiro. Place maintenant aux éclairages et explications des experts et des autorités publiques. Un environnementaliste fait remarquer que la capitale Bujumbura se trouve sur un sol alluvionnaire. Erasme Nguyé explique que l'eau des ménages construits sur les berges des rivières est parmi les causes de ces ravins. Il ajoute que des études de spécialistes révèlent l'existence à Bujumbura des répliques sismiques qui se produisent régulièrement sans qu'on s'en rende compte. On l'écoute. Tout est lié à la manière dont a été mise en place le relief du Burundi. La crête, la plaine, déjà on sait que ça s'est mis en place avec la tectonique. C'est-à-dire qu'une partie a été soulevée et une autre s'est effondrée. Et si vous voyez très bien, vous voyez que le lac Tanganyika déjà se trouve dans la zone effondrée. C'est-à-dire que cette mise en place oppose la plaine à la crête. Et il s'observe ce qu'on appelle les gradés de faille. Quand même, pour les facteurs naturels, il n'y a pas que cette opposition de la crête à la plaine. Il y a aussi la présence des failles. Et c'est très difficile de le voir si on ne fait pas attention, si on n'utilise pas les cartes géologiques. C'est-à-dire que pour construire dans ces zones, les gens doivent faire attention. Il y a un autre phénomène dans la sous-région, si vous voulez. Même si on ne peut pas le sentir facilement, il y a une forte sismicité dans la région. À l'Université du Burundi, il y a un projet. Ils ont fait des études. Ils ont trouvé qu'il y a plusieurs centaines de petits mouvements, de tremblements de terre, mais que l'homme ne peut pas sentir. Mais par contre, les appareils le sentent au niveau des facteurs anthropiques. Aujourd'hui, avec la pression démographique, on se permet d'aller même construire sur ces terres. Pourtant, ces terres sont très fragiles. Quand les gens construisent sur les berges, c'est que ça fragilise les berges. Déjà par la masse de la maison. Et ça peut créer des éboulements. En plus de cela, on doit ajouter l'eau des puits perdus des maisons qui sont perchées sur les berges. Surtout que dans cette plaine, c'est une formation géologique récente, alluvionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas solide. Je propose de construire le lit en béton. Je ne dis pas qu'on va mettre le béton côté Nyakabiga et le béton côté Kigobe, non. Mais on doit au milieu canaliser. On a tenté de faire le système de gabionnage. Le système de gabionnage, ça ne peut pas être une solution parce que l'eau traverse le gabion. La seule solution, c'est de bétonner. Moi, c'est ce que je trouve. Tout ça se fait en harmonie avec toutes les mesures de protection. Si on plante des arbres, il faut aussi qu'on sache qu'on ne doit pas continuer à creuser. Erasme Nguyé, il est environnementaliste. Et dans les quartiers à haut risque installés de façon anarchique, il devrait y avoir un réaménagement. C'est le commissaire de police Anouane Nemako, président de la plateforme nationale de la prévention des risques de catastrophe, qui le dit. Il trouve que la prévention devrait susciter l'attention de tout le monde. Il appelle aussi le gouvernement à augmenter les travaux de protection, bien que cela demande des moyens considérables. Par rapport à certains quartiers à haut risque, c'est-à-dire les quartiers périphériques de la ville de Bujumbura, qui sont installés de façon anarchique, il faut peut-être voir comment rapidement faire un réaménagement. S'il n'y a pas encore de viabilisation, qu'ils sachent geler l'eau. Pour les mesures d'atténuation au risque de catastrophe le long des rivières, ça appelle au gouvernement, aux autorités. Comment limiter la vitesse de l'eau dans ces rivières? Il faut qu'il y ait des barrages successifs pour couper ou diminuer le rythme et que les alluvions qui arrivent des collines puissent au moins prendre le temps et stopper les lits des rivières pour encore une fois être relevés. Dans les hauteurs, il faut à tout prix des grands projets. C'est déjà commencé à travers le projet Ewe Burundi Ambaye. Il faut continuer, mais il faut également le traçage des fosses anti-érosives. Et c'est urgent aux particuliers. Et aussi, il faut qu'ils soient sensibles. Donc, l'affaire de la prévention, c'est l'affaire de tout le monde. Le gouvernement a pris l'affaire à main. Il a donné le dossier à une société pour encadrer les équipes bien identifiées, c'est les services DCT, les services techniques municipaux. Parce qu'il y avait des opérations plus ou moins anarchiques avant par rapport à la mise en application des codes. Toutes les administrations, il y a des plateformes. Donc il y a les structures décentralisées des plateformes. L'administrateur est le président de la plateforme communale. Le gouvernement également. Cette émission doit servir également d'un clin d'œil puisqu'ils ont des outils de suivi. Les sanctions sont-ils prévues dans ces codes? Dans tous les cas, ils savent comment faire. C'est le commissaire de police Antoine Ntemako et c'est le président de la plateforme nationale de la prévention des risques des catastrophes. Et du côté du ministère en charge de l'environnement, le directeur général de l'aménagement du territoire, Omer Nyonguru, demande à toute la population de faire sienne la question en rapport avec la prévention des catastrophes. Une solution proposée, que les administratifs à la base prennent en premier lieu conscience du danger qui guette ceux qui construisent anarchiquement. On l'écoute. Si vous voulez construire, demandez au moins un conseil, un avis technique au niveau des services techniques. Donc les services, l'État a mis les services techniques pour ça. Et le problème qui est souvent remarqué, c'est que la population va à l'urbanisme pour ne demander que des papiers, alors que la maison est déjà installée. On a plusieurs combinaisons des actions qui font que quelquefois il y a des problèmes liés au changement climatique, mais sans oublier l'action de l'homme. Vous voyez les maisons qui poussent comme, je ne sais, comme des champignons. Est-ce que c'est le problème de l'urbanisation? Ou bien c'est le problème de l'engouement des tramvies? Une solution est là. Nous avons une administration bien organisée. Jusqu'à avoir celui qui ne gouverne que 10 maisons qu'on appelle Nyumba Kumi en Kiswahili. Est-ce que dans cet endroit où la maison est en train d'être érigée, il n'y a pas cet administratif? Donc, un appel vibrant, ça ne concerne que les administratifs à la base. Donc, qu'ils prennent conscience en premier lieu. Alors, j'interpelle vraiment l'administration à la base de s'impliquer dans ces constructions anarchiques et il a le plein droit d'interdire quiconque est en train de construire sans permission. C'est l'administration qui alerte lorsqu'il y a ces problèmes. Donc, c'est la solution d'avant, donc prévenir, qu'ils aient vraiment cette amabilité de renvoyer celui qui veut construire au moins au service, dans des services techniques. C'était Omer Nyonguru, directeur général de l'aménagement du territoire. Et avec le commissaire de police Antoine Ntemako, il s'exprimait dans l'émission Mosaïque du week-end dernier sur les catastrophes naturelles qui menacent la population burundaise et surtout celle de la capitale Bujumbura. Ainsi se referme ce journal. Cette grande édition de la mi-journée était consacrée à la situation des infrastructures menacées d'écroulement si elles ne sont pas déjà à terre, essentiellement à Bujumbura, comme dans certains endroits à l'intérieur du pays. Et tout cela à cause des ravins qui se creusent et s'agrandissent sous l'œil impuissant des riverains. Vous avez suivi dans nos reportages en décor très pathétique. Des experts nous ont donné des éclairages. Comment et pourquoi en est-on arrivé là-bas? Et enfin, les autorités publiques viennent de nous dire ce qu'il faut faire face à ce spectacle désolant. C'est la fin de ce journal qui a été mis en onde par François Akimana. Merci de votre fidélité et très bonne journée.